La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Junot, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désire souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs. C'était la grande fête du golf à Saint-Prime en fin de semaine. Et question de savoir un peu comment ça s'est passé. On parle avec le directeur général dans sa chronique régulière, Junior Junot. Salut Junior! Salut Danny. Junior, effectivement, donc c'était la grande fin de semaine. J'imagine, moi je suis allé samedi soir. Semble-t-il qu'il faisait une chaleur accablante. Je voulais parler avec Samuel, mais finalement il n'était pas là quand je suis passé. Mais dans l'ensemble, est-ce que c'était un bon festival? Ben écoute, c'est un succès sur toute la ligne. C'est pas compliqué. La part a été, on était plein pratiquement du début jusqu'à la fin. Un élément bien important, là, c'est sûr que la température, ça y fait là, pour beaucoup dans les événements extérieurs. Oui. Veux pas, là, c'est jamais... s'il fait pas beau, ben ça brise tout le reste, là, tous les efforts et le travail qui a été investi, mais vraiment, là... Que ce soit jeudi, température extraordinaire, participation au-delà des espérances, du début jusqu'à la fin de la journée avec la soirée de poker. Vendredi pour le tournoi, l'Open de Saint-Prime, à 7h30, 8h, là, fallait regarder la météo parce que il pleuvait à Sio, comme on dit. Ouais. Là, comme un moment donné, on s'inquiétait à savoir, bon, est-ce que ça va se dégager? C'était écrit partout. Puis, la météo nous disait que vers 9h, 9h30, ça se dégagerait. Le départ était prévu des golfeurs pour 9h30. Finalement, à 9h, le beau soleil est apparu. Ce qui fait en sorte que les 176 joueurs qui étaient inscrits au tournoi ont pu jouer... par une très belle température. En soirée, la même chose. Tout a roulé rondement. Tout a bien fonctionné. Le tournoi de putting, un succès aussi. Le lendemain, là, au tournoi de Samuel Girard, le tournoi sous la présidence d'honneur de Samuel Girard, il espérait au départ être, quand je me souviens au tout début, là, quand ils ont parlé de faire ce tournoi-là, entre 100 et 140 golfeurs, et ils ont terminé à tout près de 160 golfeurs. C'est bon. Ce qui fait que ça a été un très grand succès, encore une fois, la température. Les joueurs étaient là, en soirée, le souper qui était organisé. Et puis, ça s'est terminé hier, là, avec, le fieldé régional, là, qui débutait en avant-midi. En après-midi, à partir de midi, c'était le champ de pratique en folie, là, vraiment, puis c'est le cas de le dire, en folie, là, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui étaient préparées par nos deux organisateurs, là, de la fin de semaine au complet, là, sur Justin Soulier, Jonathan Lambert, Louis Lapierre, qui ont fait un travail, là, vraiment colossal, de préparation, mais aussi d'organisation pendant tout le week-end, avec, évidemment, là, beaucoup de bénévoles, des employés du club aussi qui ont travaillé très, très fort, qui ont collaboré depuis le début de la semaine dernière à aller jusqu'à hier. Fait que non, c'était un superbe week-end, belle participation, belle réussite. Vraiment, il n'y a absolument rien de négatif à amener là, par rapport au week-end. On peut fatiguer aujourd'hui, par contre, c'est normal. Ouais. Là, monde qui ont travaillé très très fort, c'est des longs week-ends, mais au final là, on peut dire mission accomplie là. Dis-moi, comment ça a été le samedi après-midi, le dimanche après-midi, où que le golf était gratuit à tout le monde? Ben, je te dirais que ça a bien été. Ça n'a pas été nécessairement complet là, toute l'après-midi. On a dû avoir une cinquantaine de personnes 50 personnes là, qui se sont prévalues de la gratuité. Il y aurait pu en avoir plus. Il y a eu passablement de monde aussi au champ de pratique, là, qui était gratuit également. Ouais. Les différents jeux, les gens ont du plaisir. Et c'est sûr que la température du matin, parce qu'hier matin, bon, il a plu, il a arrêté de pleuvoir. C'est allé jusqu'à midi et demi, là, c'était incertain, on savait pas trop. Ouais. Fait que ça a fait probablement en sorte qu'il y a des gens qui ont décidé de changer leur programme ou de faire autre chose, tout simplement. C'est pour ça que, bon, la participation à ce niveau-là, mais bon, de ce côté-là, on peut pas aller chercher le monde dans les maisons puis les amener sur le terrain, mais les gens qui étaient là étaient très heureux et contents de l'initiative là, qui avait été prise là, par le club de laisser le terrain gratuit à tous les résidents de la MRC Domaine-sur-Roi. OK. Alors, à la fin de la journée, là, tout le monde était très satisfait. OK. Dis-moi, mais tu sais, le but, évidemment, c'était de populariser le golf. Donc, on peut dire mission accomplie jusqu'à maintenant quand même. 50 golfeurs, c'était tous des non-membres, la plupart, là, hein? Automatiquement, oui, c'est pas, là, je calcule pas, moi, là, les membres qui auraient pu jouer, mais ça, on avait demandé, justement, aux membres de pas jouer cet après-midi-là, parce qu'on voulait laisser ça aux gens, à la famille, aux jeunes enfants, tu sais, il y avait des jeunes hier en masse. C'est bon, ça. Des familles qui venaient jouer, fait que, tu sais, pour nous autres, là, c'était très bon. Oui, c'était effectivement de promouvoir le golf, c'est, évidemment, ça, c'était premier objectif pendant le week-end, promouvoir aussi notre club de golf. Je pense que partout là, dans les médias sociaux, on a eu une grande visibilité autant sur Facebook que sur Instagram. Fait que ça fait en sorte que ça fait rayonner notre club là, un peu partout dans la province, ce qui fait que ça va amener des retombées à court, moyen et à long terme aussi. OK. Dis-moi maintenant, comment que du côté du potting, qui s'en va à Las Vegas finalement? Est-ce que quelqu'un s'est décidé? Oui, le gagnant, c'est Jean-Sébastien Desgagnés qui l'a emporté. OK. Donc, qui s'en ira, qui nous, comme on pourrait dire, nous représentera fièrement, en tout cas, le secteur pour aller à Las Vegas cette année. Alors, c'est encore là, il y a une très bonne participation. Je parlais avec l'organisateur Max Lalonde, là, qui, pour eux, la date, c'est leur plus gros événement cette année, dans les 4-5 événements qu'ils ont eu, même dans le secteur Montréal, Québec, etc. C'était le plus gros événement, la plus grande réussite. Fait que, encore là, on ne peut qu'être heureux et satisfait de cette belle réussite. Bon. Autre chose à mentionner, cette semaine, il se passe quoi, là? C'est sûr que c'est des vacances de construction. Non, écoute, c'est des vacances de construction. Fait que dans les vacances de construction, c'est pas trop le temps d'organiser des activités, puis d'organiser des tournois, puis on laisse, en fait, le terrain là est fort achalandé avec les touristes, les gens qui sont en vacances, les personnes là, qui reviennent, qui travaillent à l'extérieur, qui reviennent dans leur famille, viennent faire un petit tour en vacances, donc ils viennent profiter du terrain. Fait que ça va être deux grosses semaines, très, très achalandées, avec beaucoup de joueurs sur le terrain. Okay. Mais comme je te dis, il n'y a pas d'activité en soi là pendant ces deux semaines-là. Bon, ça fait le tour pour cette semaine? Oui. On invite tout de même les gens, là. Oui, il y a beaucoup de monde, il y a de la place sur le terrain. Alors, le terrain est en excellente condition, là, sincèrement, là. Même si je suis pas objectif, là, mais on est capable des commentaires qu'on a eu tout au long du week-end. Les gens, là, ont adoré le terrain. Terrain en excellente condition, fait qu'il faut venir en profiter, là. OK. Donc, ça fait le tour pour cette semaine, Junior? Oui, ça fait le tour, mon cher ami. On s'en reparle la semaine prochaine et on rappelle évidemment que cette chronique est une commandite du garage Paul Dumas de Saint-Félicien. Merci beaucoup, Junior. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci. Le directeur général du club de golf du Lac Saint-Jean, Junior.